Camera siellä sla. Fila, fila. Camera siellä sla. Fila, fila. Camera siellä sla. Fila, fila. Pampeo, ma te mi fiesta. Camera siellä sla. Fila, fila. Camera siellä sla. Fila, fila. Camera siellä sla. Parole céleste. Alléluia. C'est vrai, j'ai mon Dieu sur vous tout le temps. Pas qu'à tromper mon Dieu. Ça c'est parole céleste. Chrétien, bon Dieu a veillé sur nous. J'ai bon Dieu sur nous. Même j'ai fait d'abattre tout ça, oui.